Bonjour, bienvenue, merci d'écouter Regarde ton monde, on n'est pas beaucoup, aujourd'hui autour de la table on n'est même que deux. Bonjour d'abord à celui qui est tout en face de moi, Henri, de quoi on va parler? Bonjour, alors aujourd'hui sujet philo, on va essayer de répondre à la question « Avons-nous besoin de l'art ?» Vaste question donc. Le mec a recyclé sa dissertation, on le remercie. Je tiens à souligner le message que tu m'as envoyé ce matin. Mec, je me suis réveillé à 8h30 pour être à l'heure à ton émission. J'ai pas fait ça de toute la semaine, ça a intérêt à être bien. Valentine est aussi là, et on va se poser d'autres questions un peu moins philosophiques que celles d'Henri. Ouais, des questions à la con, c'est de la culture générale, et on va se poser des questions sur IKEA et le code PIN. Oh, mais c'est formidable, avec ça un petit peu d'actu, la présidentielle américaine, l'affaire Navalny, un certain Jack Ma, la vaccination en France, là il faut des Traoré, le Brexit, CNews, et peut-être si on a le temps, un petit peu d'apartheid. Et je commence donc, je viens de vous le dire, avec la présidentielle américaine. Des événements qui ont donc commencé juste avant l'investiture avec l'invasion du Capitole. Trump a commencé à contester les résultats de l'élection. Il avait par ailleurs été enregistré en train de faire pression sur un officiel de Géorgie par téléphone. Je le cite, « Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 voix ». L'intérêt de ces 11 000 voix, en fait, c'était donc de faire basculer le vote en Géorgie. Et si le vote basculait en Géorgie, eh bien il gagnait l'élection car il avait suffisamment de grands électeurs pour retourner donc pour un second mandat à la Maison Blanche. Il a donc appelé à la manifestation devant le Capitole le jour de la certification des résultats de l'élection de Joe Biden. Sauf que la manifestation a dégénéré, les manifestants, vous le savez, sont entrés dans le Capitole. Réaction de Biden en direct. Les mots d'un président comptent. Peu importe si ce président est bon ou mauvais. Au mieux, les mots d'un président, les paroles d'un président peuvent être une source d'inspiration. Au pire, ces paroles peuvent inciter de la violence. J'exhorte donc instamment le président Trump de se présenter à la télévision nationale dès aujourd'hui pour remplir sa promesse et défendre la Constitution. Step up. Alors, Monsieur le Président Trump, levez-vous et agissez. Voilà, donc réaction assez virulente de Joe Biden. Trump intervient quelques minutes plus tard sur son compte Twitter. We had an election that was stolen from us. Voilà, une vidéo qu'il prend donc devant la Maison Blanche. Il s'adresse aux manifestants, il leur dit qu'il est temps de rentrer chez eux, mais, un petit peu le pompier pyromane, il continue de jeter de l'huile sur le feu en clamant dans cette même vidéo qu'il s'agissait d'un raz-de-marée et qu'ils se sont fait voler l'élection. Il continue donc de crier au vol. Les événements se sont donc poursuivis. Finalement, c'est sur les réseaux sociaux qu'il s'est passé un grand nombre de choses puisque Donald Trump a été banni de Twitter. Écoutez. Donald Trump sur Twitter, c'est terminé. Cette nuit, le réseau social a décidé de suspendre le compte du président des États-Unis. Voilà, Donald Trump sur Twitter, c'est comme la bamboche, c'est terminé. Communiqué Twitter pour justifier sa décision. Après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et du contexte actuel, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence. Voilà, et là comme je suis... Voilà, comme je suis bien organisé, j'ai oublié de prévoir ma page. Je suis dans le numéro 1577 du Courrier International qui consacrait donc un dossier spécial aux réseaux sociaux qui font la loi. J'y lis un article donc du journal The Atlantic basé à Washington qui relate ce fait, je cite, « Facebook, Snapchat et Twitter ont suspendu les comptes de Trump. Apple, Google et Amazon ne souhaitent plus héberger l'application Parler, ce petit réseau social populaire auprès des sympathisants de Trump. » Encore plus surprenant, l'association des golfeurs a coupé les ponts avec le golf dont Donald Trump est propriétaire dans le New Jersey. La plateforme de paiement Stripe refuse désormais de traiter les transactions réalisées sur le site internet de la campagne de Trump. Voilà, donc des géants de... Pardon, tu disais... Non, rien. Des géants, je rigole, juste. Des firmes privées donc qui s'occupent du cas Trump. Ça n'a pas fait l'unanimité. J'apprends donc dans la suite de l'article que notamment la chancelière allemande Angela Merkel ou encore l'Union américaine de défense des libertés se sont un petit peu opposées à ces décisions. En fait, les réseaux sociaux seraient devenus souverains et c'est ce que pense notamment The Spectator, donc, qui est un hebdomadaire conservateur britannique. Qui titrait donc la suprématie de la tech, on y voit donc en couverture la coupole du Capitole qui est portée par les logos de Google, Amazon, Facebook, Twitter, j'en oublie un, et Apple. Voilà, donc on pourra lire notamment dans cet hebdo, je cite, hein, on peut dire sans trop exagérer que si le coup d'état des émeutiers contre le Congrès a piteusement échoué, celui des géants du numérique contre Trump a lui réussi. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur les réseaux sociaux. Autre phénomène qui a fait parler de lui au sujet de l'investiture de Biden, c'est un jour avant justement l'investiture, Donald Trump qui accorde la grâce présidentielle à l'un de ses conseillers, Steve Bannon, et à 72 autres personnalités. C'est ainsi que titrait Le Monde dans un de ses articles disponibles sur son site internet. Alors Steve Bannon est un de ses proches conseillers qui est poursuivi pour détournement de fonds. Je vous explique aussi ce qu'est la grâce présidentielle. Il s'agit de supprimer ou de réduire une peine judiciaire. C'est un pouvoir qui est accordé au président. La grâce n'a pas été, je vous l'ai dit, hein, accordée qu'à Steve Bannon, puisque Ken Curson en a bénéficié. Il s'agit d'un ami du gendre de Trump. Il a donc accordé la grâce à ses proches. Et deux rappeurs, Lil Wayne et Kodak Black, qui ont été poursuivis pour possession illégale d'armes à feu. Et ce qui pose problème, c'est qu'en fait, Lil Wayne a fréquemment exprimé son soutien à Trump. Donc en fait, Trump a accordé sa grâce à ses proches et aux gens qui le soutenaient. Ça pose évidemment une question, ce pardon présidentiel, est-ce qu'il accorde une justice égalitaire à tous? Bonne. Petit quiz du coup, est-ce que le pardon présidentiel existe en France? Je crois pas, enfin, je suis pas sûre. Mais il me semble que quand même le président de la République a certains pouvoirs... c'était avec Jacqueline Sauvage, c'était François Hollande qui l'avait libéré de prison, en fait. Il l'avait gracié. Oui, la grâce présidentielle existe en France, c'est un des droits de la Ve République. Emmanuel Macron en a déjà fait usage, ça a été beaucoup moins médiatisé. C'était une affaire de prostituée qui avait été condamnée pour avoir tué un de ses clients, mais qui lui était arrivé quelques problèmes par-dessus. Alors, il lui avait pas accordé une grâce totale, il lui avait accordé une grâce partielle, Emmanuel Macron. C'est-à-dire il a réduit la peine au lieu de la supprimer. Notons que la grâce se différencie de l'amnestie, puisque quand on amnestie quelqu'un, on oublie tout, on efface la condamnation de son casier judiciaire. Or, la grâce, on supprime la peine, mais le fait que vous ayez eu 30 ans de prison reste dans votre casier judiciaire. Votre condamnation reste en place. Vous n'en subissez juste pas les effets. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur la grâce présidentielle. Je termine cette page sur les présidentielles américaines avec la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Écoutez donc ce qu'il avait à dire. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Voilà, nous avons appris que la démocratie est fragile, la démocratie est précieuse. En ce jour, mes amis, la démocratie l'a emportée. Vive l'Amérique. Affaire Navalny à présent, avez-vous déjà entendu parler de Alexei Navalny? Non. Alexei Navalny est donc le principal opposant à Vladimir Poutine. Si. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Voilà, il est rentré le 17 janvier en avion en Russie après un long séjour de plusieurs mois en Allemagne. Il avait été empoisonné au Novichok, il avait survécu après plusieurs jours dans le coma. Il est donc rentré récemment dans son pays en Russie. Alors il avait appelé ses partisans à se réunir dans un aéroport, sauf que l'avion a été dérouté pour éviter la foule des partisans, et à la sortie de l'avion, il a été arrêté par les autorités. Réaction de Navalny, donc de celui qui a été arrêté, du premier concerné sur les réseaux sociaux. Il a publié une vidéo, je le cite, « Papy dans son bunker », il parle là de Vladimir Poutine, « a tellement peur qu'il a tout simplement déchiré et jeté à la poubelle le code de procédure pénale ». Et il poursuit « Ce que ces bandits au pouvoir craignent le plus, vous le savez, c'est que des gens descendent dans la rue. Alors n'ayez pas peur, descendez dans la rue, pas pour moi, mais pour votre avenir. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, le samedi 23 janvier, et les équipes de Navalny ont donc appelé à des grands rassemblements en Russie. » On peut pas trop vous dire ce qu'il en est, on n'est pas devin. Donc, c'est pas comme si les journalistes là-bas étaient très très libres. C'est ça, donc on en saura peut-être plus tard, on vous tiendra au courant dans les prochaines émissions. Une autre affaire, Valentine. Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur du géant de l'e-commerce chinois Alibaba. Il avait disparu Mystérieusement, il n'avait plus donné signe de vie depuis fin octobre, me dit-on dans le Figaro, après une conférence où il avait critiqué les régulateurs bancaires de son pays. Il est réapparu après 3 mois sans donner signe de vie. Et il est réapparu dans une visioconférence cette fois-ci et il a dit le plus grand bien du régime. Je le cite, la Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune. Voilà. Effectivement, je vais vous parler de vaccination, avec tout d'abord une polémique sur le flou autour des quantités disponibles. Les quantités de vaccins, les doses de vaccins ont été précommandées par l'Union européenne. Le problème, c'est que certains vaccins ne sont pas encore complètement mis au point, ils sont donc en retard de fabrication, et d'autres n'ont pour le moment pas reçu les autorisations nécessaires pour être donc administrés à la population. Il n'y a donc pas assez de doses disponibles pour l'ensemble de la population, ça c'était une première polémique. Et une deuxième, une polémique sur la vitesse, alors que toute l'Europe semblait vacciner convenablement sa population, notamment l'Allemagne qui est allée très vite, en France. La fameuse vaccination de Morissette. Voilà, les droitières, donc on fait le bras gauche. De côté technique, on va piquer dans le haut du muscle deltoïde. Morissette vacciné en grande pompe sur les chaînes info, en l'occurrence ici LCI. Donc forcément, polémique qui naît, réaction d'Emmanuel Macron qui, selon le Télégramme, aurait poussé un coup de gueule contre l'organisation de la campagne vaccinale. C'est ça, c'est pas du foutage de gueule. Voilà, c'était dans le journal du dimanche. Il aurait dit, je cite, « Nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est pas à la hauteur ni du moment, ni des Français. » Évidemment, l'opposition a dénoncé un coup de com'. Et ce n'est pas les seuls. Je me penche pour attraper mon nouveau journal. Hop, voilà. Une du 6 janvier 2021 du Canard enchaîné. Macron râle contre la lenteur de la vaccination. Plus facile de piquer une colère que grand-père. Avec juste à côté un dessin d'Aurel. Le président sermonne le responsable de la stratégie vaccinale. On y voit donc Macron en train de s'auto-engueuler, donc face à lui-même devant un miroir, en train de dire « c'est intolérable ». Voilà ce qu'on pouvait dire sur la campagne de vaccination. Un autre sujet à présent, plus léger, je ne sais même pas si léger est le bon mot, mais enfin, je vous parle d'un article de Libération, donc, titrant « L'Aïfodé Traoré, l'apprenti boulanger de Besançon, est régularisé ». On va vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé. L'Aïfodé Traoré est arrivé en France alors qu'il avait 16 ans, il a été pris en charge en tant que mineur isolé, donc. Et puis, alors qu'il venait toujours d'avoir 18 ans, il a reçu une obligation immédiate de quitter le territoire français. Son patron a donc entamé une grève de la faim afin d'attirer l'attention des médias. Ça, c'était le 5 janvier. D'autres personnalités se sont mobilisées. Elles ont signé une tribune adressée à Emmanuel Macron dans l'Obs, intitulée « Aider le boulanger de Besançon en grève de la faim ». Et finalement, le 14 janvier, l'Aïfodé Traoré a été régularisé. Une belle démonstration finalement de ce qu'est la solidarité et du fait qu'on puisse aider, qu'on puisse avoir un impact. Je vous parle aussi très rapidement du Brexit. Hop, un nouveau magazine. Hop, c'est donc un ancien numéro de Courrier International qui date d'il y a quelques semaines. Rapidement donc, un accord commercial a été trouvé sur la sécurité. Il est entré en vigueur le 1er janvier. Rappelons qu'il a été trouvé à la veille de Noël, le 24 décembre au soir. Joyeux réveillon. Donc les principales mesures mises en place, on est obligé de déclarer les importations, les exportations, ça devient plus compliqué de faire des échanges de marchandises aussi. Le passeport sera rétabli pour tout citoyen à partir d'octobre 2021, du 1er octobre. Un accord sur la pêche a finalement été trouvé, c'était une des raisons du blocage. Pour s'installer en Angleterre désormais, il faudra accumuler un certain nombre de points, c'est-à-dire maîtriser la langue, avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Il va y avoir plein de critères à remplir pour être donc sur un pied d'égalité avec d'autres nationalités qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne. Le programme Erasmus+ est arrêté, il est remplacé par un programme spécifique aux Britanniques qui s'appellera Turing. Et puis les étudiants européens devront maintenant avoir un visa et payer des bons frais d'inscription bien supérieurs à avant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Brexit. Désolé, je passe vite, on est en retard. Ah oui, je voulais vous parler de CNews dans la catégorie Nos journalistes ont du talent. Alors regardez, voilà, je vous l'affiche sur mon écran. C'est pas l'exercice le plus radiophonique, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce tweet? Par exemple, Valentine, lis-moi donc ce tweet de CNews. États-Unis, un homme lourdement armé arrêté près du Capitole à quelques jours de l'investiture de Joe Biden. Voilà, je relis juste le début de la phrase, j'avais pas ouvert ton micro. États-Unis, un homme lourdement armé arrêté près du Capitole à quelques jours de l'investiture de Joe Biden. Henri, commente-moi l'image. Alors en tout cas, c'est pas le Capitole. Si, c'est le Capitole de Toulouse. C'est mignon. J'ai trouvé ça mignon. Oh putain, les blaireaux. Voilà, et donc on n'a pas le temps de parler de l'apartheid. On en reparlera une autre fois. C'est un sujet que je trouve aussi dans un numéro de Courrier International dont on reparlera ultérieurement. On va passer à des questions un peu cons. Dans la vie, on aime bien s'en poser. Valentine s'en pose beaucoup. Aujourd'hui, tu t'en es posé deux. En un mot, si on voulait résumer ta chronique, ce serait un petit peu... Ouais, c'est une chronique de culture générale, donc le principe, comme tu l'as dit, c'est de se poser des questions à la con, j'y réponds et le soir, on se couche moins bête. Allez, c'est parti. Peut-être que parmi vos résolutions cette année, vous avez décidé de refaire votre déco, et en cette période de solde, vous cherchez votre bonheur. En bon consommateur que vous êtes, vous vous dirigez droit vers le royaume suédois des objets déco. Vous voyez sans doute de qui je parle, et non, ça n'est pas sponsorisé. Je vais simplement vous poser cette question, connaissez-vous vraiment IKEA ? Tout d'abord, le nom de cette célèbre entreprise suédoise nous vient d'un acronyme. Le I et le K sont les initiales de son fondateur, Ingvar Kamprad. Petite parenthèse sur lui, il aurait entretenu des liens suspects avec le leader du parti nazi suédois pendant et après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à être le témoin de son mariage. Là, on comprend pourquoi la marque ne s'est pas encore lancée dans la vente de robes de mariée. Et ce Ingvar Kamprad, il aurait même financé un parti néo-nazi avec l'argent d'IKEA. Bon, rassurez-vous, pas besoin de brûler votre commode, ces faits sont heureusement plus d'actualité, et le fondateur a même par la suite confié qu'il regrettait amèrement cette partie de sa vie. J'en sais rien. Pour en revenir à notre acronyme, le E vient du nom de la ferme de sa famille, Elmtarid, et le A du nom du village de son voisin, Agunnarid. Donc maintenant que vous m'avez bien entendu galérer sur la prononciation, vous pouvez sans doute faire le parallèle avec le nom des meubles IKEA. Pas vrai, vous avez jamais buté sur la prononciation d'une étagère ou d'un pouf dans un de ces magasins ? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers le sketch des vendeurs IKEA du Palmacho, car croyez-moi, ça fait partie de la culture générale. Donc, pour en revenir à nos très chers meubles suédois, leurs noms obéissent à des règles bien précises. Pour certaines gammes de produits, le nom doit renvoyer à la fonction de l'objet. Par exemple, les vélos s'appellent slada, ce qui veut dire dérapage en suédois. Perso, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand on me dit le mot vélo. Genre, je vois pas la petite vieille arriver en roue arrière sur sa bicyclette pour acheter des poireaux au marché du village. Mais après, je me souviens du soleil de Baptiste qu'il a fait quand on était au collège, et donc je relativise un peu. C'est moche. Oui, mais j'étais obligée, je suis désolée. Donc, si on revient à nos produits IKEA, certains obéissent à d'autres règles. Donc le mobilier de jardin doit porter le nom d'île scandinave, les fauteuils ceux de ville scandinave, et les articles pour salle de bain ceux de fleuve et de lac suédois. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que tous les noms et leurs significations sont aujourd'hui disponibles dans le dictionnaire IKEA. Oui, ils ont vraiment inventé ça. Donc si vous aimez pas votre vie, dites-vous qu'il y a toujours des arbres qui sont coupés pour terminer en dictionnaire IKEA. Bon, vous inquiétez pas, ça sert aussi à plein d'autres trucs. On peut caler des portes avec, démarrer un barbecue, servir de réhausseur. Enfin, c'est vite rentabilisé, quoi. T'en as besoin, t'as du réhausseur. Oui, en effet. Donc, sans transition, les fêtes de Noël viennent de se passer et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez bien demandé le dernier téléphone qui vient de sortir ? Bon, même si vous entendez là une pointe de désapprobation, je suis pas venue ici pour vous faire la morale aujourd'hui. C'était juste histoire de faire ma transition en causant une petite critique de la société de consommation. Donc la question suivante, vous l'avez deviné, elle porte sur les téléphones, enfin en partie. Nous allons nous demander pourquoi le code PIN ne contient que 4 chiffres. Eh bien, c'est l'écossais James Goodfellow qui a inventé le code PIN en 1996 pour sécuriser l'accès aux comptes bancaires des particuliers. Ce que je vais vous dire à présent n'a rien d'avéré, mais d'après certaines rumeurs, ce code comprenait au départ 6 chiffres, jusqu'au moment où la femme du créateur s'est plaint qu'il était trop difficile à retenir. James l'a donc réduit à 4 chiffres. J'ai qu'une seule chose à dire, merci pour ce gain de temps de 2 millisecondes à chaque fois que je déverrouille mon téléphone, comme quoi derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir passé 6 semaines à développer son code PIN à 4 chiffres, du coup on pourra même pas dire qu'il a passé une semaine par chiffre, son invention a été aussitôt brevetée par son employeur, qui l'a ensuite licencié dans le cadre d'une restructuration. James Goodfellow dit avoir reçu 1 dollar en guise de paiement symbolique pour chaque pays dans lequel il avait signé la licence de brevet, et comme il y avait 15 pays, il n'a reçu que 15 dollars et n'a pas gagné un sou depuis, alors que son invention est quotidiennement utilisée par des millions de personnes à travers le monde. C'est bien, avec 15 dollars, il a pu inviter son poisson rouge au McDo, enfin sa femme. Et puis, la moralité de l'histoire, c'est qu'il a certainement dû pisser sur un totem pour s'en rendre compte. Je vois pas d'autre moyen pour expliquer une poisse pareille. Merci à vous. Oh, merci Valentine. Bah, c'était génial, merci. Un peu de culture générale, ça ne fait pas de mal. C'est merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et à bientôt, donc. Le 3 septembre 1960. Ça s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Mais c'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien pour ce blanc. Mais à quoi l'art peut-il bien servir ? Donc bonjour à tous et bonne année 2021. On va espérer des chroniques un petit peu plus réussies cette année. Alors moi, ça va. Hein, on sort difficilement des fêtes de Noël, même si on est le 23 janvier. Alors on commence avec un petit quiz, comme dirait Baptiste. Alors quel est le nom du fils de Burton ? Ah, vous savez pas ? Bah, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Allez, si, dites des choses. Il faut meubler. Hein. On a une émission à tenir. Pardon, excusez-moi, ça fait trop longtemps que Baptiste n'a pas parlé. Là, j'étais à bout de... Enfin bref, on commence vraiment par un quiz. Je vais vous demander qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui. Les boîtes de nuit, essentiel, pas essentiel ? Ah bah pas essentiel du coup. Ok. Les restaurants ? Et pas essentiel. Okay. Aller à la messe ? Ça, je pense que c'est essentiel. Essentiel. S'agglutiner dans un centre commercial pour voir Miss France qui offre tellement plus de rêves qu'un film de Tim Burton, c'est essentiel, pas essentiel ? Essentiel. Ah, ouais, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Les librairies ? Non, pas essentiel. Bah si. Ça dépend, hein, ça dépend. C'est pas. Le lycée, essentiel, pas essentiel ? Et là, c'est essentiel. Semi-essentiel. Semi-essentiel. Voilà, semi-essentiel. Vous voyez, c'est comme la réforme du bac. C'est un petit peu réformé, mais pas trop non plus. Et alors, les cinémas, théâtres et musées, on est comment ? Pas essentiel. Non, pas essentiel. Alors, pas essentiel d'après le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, sans transition, enfin si, du coup, avec transition, je vais essayer de répondre à cette question de philo. Avons-nous besoin de l'art ? Question qui finalement revient à se demander, mais quoi ça sert l'art ? Voilà, voilà. Baptiste avait une relance. J'avais une relance ? Eh oui, c'est pas grave, on enchaîne. On enchaîne ? Alors je vais vous expliquer en 2-2 avec une musique d'émission philo un petit peu relou, voire insupportable, légèrement tamisée, et c'est parti. On t'écoute. Inutile de préciser que pour assurer nos fonctions vitales comme manger, boire, respirer, se déplacer, l'art ne nous est, oui, d'aucune utilité. Pourtant, il existe et persiste dans nos sociétés depuis la préhistoire. L'art est superficiel, voire dangereux, puisqu'il enfermerait les hommes dans un imaginaire qui nous empêcherait finalement de communiquer ou de penser les vrais problèmes sociaux, économiques et politiques. C'est cette thèse que va nous défendre Platon. Platon ! Selon lui, l'art ne provoque que l'émotion et nous empêcherait de développer notre raison. Finalement, c'est ce qu'il décrit dans l'allégorie de la caverne. Il existe le monde réel et puis celui des illusionnés, des illuminés. L'art nous rendrait donc littéralement prisonniers. Prisonniers d'artistes, d'œuvres, notre vision serait unilatérale et laisserait place à des idées obscurantistes, dangereuses pour notre société. En bref, l'art, c'est Satan. Depuis cette époque, de nombreux penseurs ont pensé, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est con celui-là, l'idée d'art. Et l'une des thèses est celle comme quoi l'art ne rend pas le visible, mais rend visible. Oh, c'est beau. Cette idée comme quoi, finalement, l'art, bah, ça façonne le monde. C'est Bergson qui est à l'origine de cette idée. Il écrivait, à propos des artistes, « Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou deviendra la vision de tous les hommes. » En gros, bah, c'est l'art qui forme notre civilisation, quoi. Oui. Cette visibilité, on peut la voir notamment grâce aux agences de tourisme qui se font plein de blé en organisant des périples dans des villes sur les traces de lieux de tournage célèbres. Mais le plus intéressant, ce sont les préjugés, enfin, les préjugés qui nous permettent de penser, qui nous permettent de faire des raccourcis. Alors, je ne parle pas des préjugés de tonton un petit peu bourré au repas de famille. Honnêtement, que serait notre représentation du bonheur sans l'art ? Que serait notre représentation du baiser sans le cinéma ? En fait, sans art, bah, on n'est rien, on est vide. L'art forge notre pensée, nos actions, nos conceptions. Sinon, nous serions prisonniers et enchaînés. C'est finalement ce que décrit Platon, sauf que c'est l'inverse. Voilà. Donc, dans ta gueule, Platon. Excusez-moi. L'art n'aurait rien de naturel, il serait la pure création de l'homme. Si l'art n'est pas inné chez l'homme, celui-ci résulte d'une invention proprement humaine. La création artistique n'est qu'acte de raison. Dans ta gueule, Platon ! Pardon, excusez-moi. Les hommes ont utilisé quelque part leur libre arbitre en faisant de l'art. L'art serait donc la production de liberté, comme le théorise Kant. Nous pouvons penser à l'art dit surréaliste, dont le fondement est directement l'expression de notre inconscient. Est-ce que c'est pas quand même être libre que d'avoir accès à notre propre inconscient et d'avoir accès à notre propre moi ? Qui suis-je ? C'est finalement la question que tout être humain va se poser durant sa misérable vie. Et enfin, je vais vous demander, si vous n'y croyez toujours pas, pourquoi est-ce que les régimes autoritaires commencent par brûler les œuvres d'art ? On peut par exemple penser aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qui brûlaient des bibliothèques entières et les œuvres dites dégénérées. Honnêtement, c'est la preuve que l'art nous apporte la liberté. Donc dans ta gueule, Platon ! Enfin, j'aimerais conclure en disant que l'art, finalement, c'est le fondement même de nos sociétés et de nos cultures, mais aussi de notre liberté. Alors le défi aujourd'hui porte sur les inégalités des milieux socio-économiques face à l'art. Un sondage d'ailleurs de l'INSEE en 2012 montre que 31% des classes ouvrières ont lu un seul livre par an contre 80% de la population appartenant à des classes sociales les plus hautes. Bon, c'était moche comme disons. Un grand écart entre ces deux classes persiste. Et donc, pour être infiniment libre, il nous faudrait retrouver un espèce de pied d'égalité qui me semble obligatoirement passer par l'école. Malheureusement, aujourd'hui, celle-ci aggrave ces inégalités face à l'art. Hop, j'avais pas allumé mon micro. Merci, Henri. Bon, les résolutions sont en marche pour 2021. C'était en progrès. Ah si tu le dis. Bon, mille excuses pour vos oreilles, puisqu'Henri aime bien faire les trucs comme ça, là. Il aime bien taper très fort. Désolé donc pour vos oreilles. Parce qu'on vit la chose. Ah, on a dû bien le vivre dans les oreillettes. Moi, j'ai le retour sans, je suis pas sûr, on le vit bien. Bon, merci beaucoup, c'était très sympa. Merci Valentine, on a appris plein de choses, notamment sur le code PIN. Merci, mais quoi ? Mais oui, mais... Et sur la signification des noms de ces meubles. Absolument, c'est très en retard, donc merci beaucoup. Et donc, à bientôt.